Ah, le liquide phallique. Ah, le liquide phallique. Elle avait la mycose purulleuse. Elle avait la mycose, oui, oui, mais purulleuse. Elle avait la mycose, oui, mais purulleuse. Allez, retour de voyage en ascension. Comment ne veux-tu pas attraper la mycose, oui, mais purulleuse, de ce liquide phallique. Elle avait attrapé la mycose, oui, mais purulleuse. Dans ce cas, verdoyant, les salopes y aspergent régulièrement. Depuis s'en foutre, le camp toujours humide, le camp humide. Ah, les femmes et leurs fontaines, ah, les fameuses fontaines de glands qui poussent les hommes à faire sans réflexion, comme des cons qui sont manipulés en permanence par ces deux êtres diaboliques, paraboliques, et à leur tour de se choper la mycose, la purulleuse, oui mais purulleuse, choper la mycose, oui mais purulleuse, et leur bâton parabolique, et leur bâton purulu, purulu, et les verges se languissent de leur épave, jalousant ces salopes qui passent les couilles au crible fin, comme des vibromasseurs. Jetables. On n'est plus à l'air de pierre, mon petit. Il sort. Elle s'épile. Et toi, à l'ancienne, une touffe velue qui ne favorise en rien ton attribut, pourtant si doux et moelleux, quand dans son habit de nouveau.